L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Du 25 mars et jusqu'au 15 avril aura lieu à Vendeuvre une nouvelle édition du festival Vendjazz. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Dassy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice artistique pour ce festival, mais pas seulement, vous avez d'autres casquettes. Alors quel est votre rôle précisément ? Alors effectivement, je suis directrice de l'école de musique de Vendeuvre depuis 2009 et depuis donc 2010, j'organise en biennale ce festival Vendjazz. Donc c'est un peu mon bébé et cette année, je suis ravie de pouvoir l'élargir encore plus dans une programmation que je fais au plus éclectique, de manière à ce que tout le public puisse être touché. Voilà, ma volonté, c'est de faire cohabiter différents styles musicaux, de proposer une découverte à tous les publics et que le métissage que l'on connaît dans le jazz soit aussi influencé par une découverte de tout public, de jeunes, d'amateurs, d'élèves, de professionnels. Et donc, ça va être cette année, pour moi, une concrète réussite, j'espère, sur le métissage avec Omar Sosa, les Popini Sisters pour le glamour, et puis la fête avec le jazz, ska, orchestra, et des ateliers que nous avons commencé dès ce week-end, justement pour que vous, public, vous puissiez venir découvrir la musique, jouer, être acteur et spectateur. Le festival a démarré il y a quelques temps aussi avec un concert, c'était avec le duo nancéen Ladislava. On a fait le lancement de la programmation puisque rien n'était dévoilé. C'est un moment qui reflète tout à fait le festival. Et c'est le cycle du voyage et c'est vraiment ce que je veux transmettre dans ce festival. C'est un voyage autour du jazz, de la musique et de la découverte. Donc vraiment, la soirée qu'on a vécue avec Ladislava, c'était ça, cette découverte, ce parcours musical qui nous a engendré une soirée superbe. Il y a plusieurs étapes dans ce festival Vendjazz. La musique, bien sûr, prend une part très importante. On peut peut-être s'arrêter sur 2-3 dates, 2-3 temps forts musicaux. Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, notamment les Popini Sisters. Qu'est-ce qui les caractérise ? Alors, c'est justement une musique qui va atteindre tout le monde, puisque dans les années 40, 50, c'est ce que les gens ont entendu après-guerre. Et elles ont justement ce chic dans leur parure. Déjà, quand vous les voyez, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller les écouter. Et après, à travers leur voix, à trois, en trio, c'est totalement festif et on se retrouve vraiment dans ces années-là. Donc, c'est vraiment glamour. Et c'est ça que tout à l'heure, quand je vous disais, le glamour que vous aurez pour les Popini Sisters, c'est une découverte pour tout le monde. Alors ce sera le samedi 14 avril à la salle de fête de Vendeuvre. La veille, une autre ambiance, un autre style, mais toujours bien sûr dans l'esprit du festival Vendjazz, avec Omar Sosa Quartetto. Oui, alors là, le Quartetto Omar Sosa, c'est vraiment pour moi le moyen de vous faire découvrir toute cette musique afro-cubaine et jazz que j'adore. Et donc, on va peut-être dire qu'à chaque fois, effectivement, on retrouve un petit peu le style de la musique cubaine, puisque il y a quelque temps, j'avais aussi invité Maraca. On avait travaillé autour de la musique cubaine avec les enfants et on montait des pièces avec lui. Donc là, c'est un passage encore sur ce voyage autour de la musique en étant dans ces pays assez festifs et qui brassent justement une des découvertes et de métissage musique noire, musique des îles. Et c'était important pour moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir le faire venir parce que d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas venu dans l'Est depuis très longtemps. Il était venu au Nancy Jazz Pulsation il y a quelques années. Je l'avais entendu là. Et donc, j'espère que ça va être une très, très belle soirée. Ça sera donc le vendredi 13 avril. Et encore un petit zoom sur une autre date, donc une après-midi ska, le dimanche 15 avril, avec deux groupes au programme, le Nancy Ska Jazz Orchestra et North-East Ska Jazz Orchestra. Bien, on a compris que c'était du ska. Voilà, on a compris que c'était du ska. Et comme je vous le disais, là, on a justement, pour la première fois, j'ai réussi à articuler des ateliers autour du ska en choisissant effectivement sur le dimanche. Alors, c'est aussi un petit peu un défi pour moi parce que on n'a jamais terminé le festival, enfin je n'ai jamais terminé le festival sur un dimanche, mais la ville de Vendeuvre et l'école de musique travaillent beaucoup avec les enfants autour des orchestres à l'école. Donc nous avons quand même 4 orchestres à l'école que nous avons mis en place sur la ville. Et pour moi, c'est ça qui me ravit. Et si j'aime la musique, j'aime la ville de Vendeuve par l'école de musique, eh bien c'est pour transmettre à ces enfants la joie de la musique et d'y accéder. Donc là, ces week-ends de formation, on accueille les petits, les grands, les moyens, tout le monde, vous-même derrière, là, qui parlez dans le micro, je vous y attends. On peut chanter ensemble parce que voilà, on va vous faire partager toute la musique ska, vous faire découvrir avec l'équipe pédagogique qui est constituée des musiciens du NSJO. Donc on a 4-5 membres qui sont là pour vous accueillir dans des pupitres percussion, vent. On pourra même travailler la voix parce que moi je serai avec eux, enfin je suis avec eux puisque j'ai fait un peu de ska avec eux sur un des morceaux ce week-end. Donc c'est vraiment le moyen de vous faire partager, vous faire découvrir, comme je le disais tout à l'heure, je vais me répéter, mais sur ce festival, c'est ça, des rencontres festives. Et donc sur ce dimanche, on aura à 18h le free rendu des ateliers, donc avec plein de pièces travaillées pendant les 4 week-ends. Et puis ensuite, le premier orchestre à 19h et le deuxième à 20h, les Italiens. Alors peut-être que certains les ont entendus l'année dernière parce qu'ils sont passés à Nancy, à l'autre canal. Alors si vous les avez entendus, vous allez revenir parce que c'était vraiment super. Donc voilà, on a parlé de plusieurs dates de concert, mais le Festival Vent Jazz, c'est dès le 25 mars. Et à côté de ces grandes dates de concert, il y a d'autres choses qui se vivent sur cette période, avec différentes rencontres, vous l'avez dit, des conférences aussi, une exposition. Vous avez voulu donc partager avec au plus grand nombre ce plaisir de la musique, notamment avec des écoles de musique. Il va y avoir une rencontre avec l'école de musique de Ludres. De quelle manière ça se concrétise tout ça ? Alors ça se concrétise facilement, je vais dire, parce que dans la musique, vous êtes tout le temps dans cette joie de rencontre avec des musiciens, avec des gens que vous ne connaissiez pas, vous tissez des liens, et puis c'est ça, donc c'est concrétisé à la fois des programmations diversifiées, et là avec l'école de Ludres, qui est quand même pas très loin de Vendeuvre, on a des actions communes au niveau des enseignants qui vont partager des journées, par exemple on aura au mois d'avril, donc là c'est complètement en dehors du festival, mais pour vous montrer qu'on aura une heure musicale autour de la guitare, donc les deux enseignants se rencontrent, se connaissent, et alors nous, au niveau de la direction, on se rencontre et on met en place une action. Donc je sais qu'à l'école de musique de Lude, il y a un big band qui s'est concrétisé, et c'était cette idée, partager une soirée et transmettre justement un programme différent de ce qu'on pourrait entendre ailleurs. Donc j'ai appelé ces moments-là « Voyage autour du jazz ». Alors on en a 4-5 qui se promènent comme ça, donc il y a Ludres, effectivement le lundi 26 si je ne me trompe pas. Oui tout à fait, il y aura aussi au domaine du Charmois le 29 mars, l'école de musique de l'EMGO et de la MAI. Alors l'EMGO c'est la ville jumelée allemande avec Vendeuvre. Et depuis plusieurs années, on se rencontre, ils ont des jeunes, ils ont un big band, ça marche très bien. Et moi, je suis allée en Allemagne aussi pour les écouter. Donc, on voyait, on a des échanges vraiment, même frontaliers, qui sont super intéressants. Et quand ils sont au courant de notre festival Vent Jazz, on essaie à chaque fois de les faire venir. Cette année, ils seront là et feront une deuxième partie, puisqu'on est en partenariat des élèves de l'EMAI cette année. L'EMAI, c'est aussi un établissement que je connais depuis longtemps et on a toujours essayé de travailler en transversalité, si on pouvait amener un groupe, partager justement le côté technique de l'EMAI et nous proposer une scène à certains élèves de l'EMAI. Donc cette année, on aura 2 soirées avec l'EMAI. Donc d'ailleurs, le soir des Pupini Sisters, il y a une première partie avec des élèves de l'EMAI et pour Omar Sosa aussi. Et donc le jeudi, comme vous venez de le dire. Alors, on ne va pas pouvoir détailler tout le programme de cette nouvelle édition du Festival Vent Jazz. Bien sûr, on va retrouver tout ça sur le site de la ville de Vendeuvre, hein, vendeuvre.fr. Oui. C'est très facile à retrouver. Il y a aussi une page Facebook Vent Jazz qui existe aussi. Pour terminer, un mot sur une exposition aussi qui va retracer un peu la précédente édition, je crois. Oui, alors on a une exposition des photos de Jackie Johannes qui sera présente dans le bar de la salle des fêtes à partir du 8 avril. Alors pourquoi le 8 avril ? Parce qu'on aura déjà un concert le 8 avril dans la salle des fêtes avec l'Orchestre d'Harmonie de la ville de Vendeuve et un groupe invité, les Rhythm and Bone. Qu'elle sera présente du 8 au 15. Vous pourrez y voir donc des photos effectivement de l'année 2016 et puis un hommage à Didier Lockwood parce qu'il faut quand même en parler. C'est quand même assez chagrinant, on va dire, si je peux le dire comme ça. Voilà. Une autre exposition, c'est les photos de Gérard Savin qui seront présentes sur le domaine du Charmois. Alors le domaine du Charmois, c'est à côté du château du Charmois. Nous avons une grande salle qui s'appelle la salle dîner et en face une salle d'exposition. Donc là également, nous allons mettre des photos pendant la période début avril qui seront également aussi sur le 2016 et toutes les photos que Gérard Savin peut faire lors de nos passages dans différentes salles. Voilà, ça va être très intéressant. Donc le festival Vent Jazz, c'est du 25 mars au 15 avril. Vous retrouverez tout le programme complet sur le site de la ville de Vendeuvre, vendeuvre.fr, ainsi que sur la page Facebook dédiée Vent Jazz. Du côté des tarifs, sachez qu'ils s'échelonnent de 8 euros à 25 euros. C'est gratuit pour les moins de 16 ans, et c'est important de le signaler, et que dès maintenant, vous pouvez réserver vos places pour les différentes dates de concert. Nathalie Dassy, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Hein. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.